Mais ce monde-là, ils n'ont aucune humanité, ils n'ont aucun respect de rien. C'est pareil, tu sais, que tu croyes au diable ou que tu y croyes pas, ce monde-là, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il reste que c'est ça, là. C'est diabolique, c'est diabolique. Puis on était conditionné à trouver que ça a de l'allure puis à rationaliser tout. Faut pas oublier qu'il y a du monde, c'est eux autres qui décident ce qui se passe, puis ils nous aiment pas. Il y a pas de, ils voient pas la valeur humaine, ils voient pas la, ils ont pas d'empathie, ils en ont pas. C'est juste du bétail pour eux autres, c'est juste de la ressource. C'est quand est-ce qu'on va le voir, ça? On remet notre propre pouvoir, on le remet dans les mains de du monde qui veulent nous détruire. C'est ça, moi, qui me dépasse, puis qui m'enrage. Ben, Puis, c'est écrit noir sur blanc. L'autre, là, à Davos, là, je me rappelle plus son nom, qui est Klaus Schwab. le... Oh non, c'est pas lui qui parle, je parle à un autre, un plus jeune. Lui, il est en charge du côté... voyons, communication, puis comment, il y a un nom algérien, me semble. Puis il l'a dit. Il dit, il y a proche 7 milliards de personnes qui vont devenir inutiles. Ils comprennent pas que juste le fait qu'un individu vive sa vie, ça n'a pas besoin d'être utile ou d'inutile, Chris. Mais ils voient le monde comme de la ressource, puis ils disent, parce que tout ce qui va pas se faire par de la conscience, ça va se faire par les autres processus, puis ça va être l'enfer. Tu sais? Fait que de pas non plus être naïf puis d'être trop idéaliste. C'est sûr. Parce que là, on est anesthésié ben raide par nos espoirs. Puis pendant ce temps-là, ça avance, puis ça continue, puis ça continue, puis ça arrêtera pas, là. Comme là, ils font tout pour plonger l'Europe en guerre. Ça va arriver. T'as-tu pensé à start une guerre? Avec les bébelles qui ont, ça devient sérieux. Ouais, Le monde ben. est formidable. Chris, hey, il y a du monde en Europe, là, qui serait censé être lynché par la foule s'il y avait une once de lucidité. Juste un petit peu. Pour sauver des millions de vies. Mais le monde, ils ont été conditionnés à pas le voir. Puis à pas y croire.